بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله لنتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحمده ونشكره سائلين الله عز وجل العلم النافع والهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا الثبات والتوفيق والسداد وبعض. Donc on va continuer inshallah sur l'étude de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc on lit une œuvre d'un grand savant contemporain qui est spécialiste de ces questions-là concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc comme on avait dit dans les précédents cours, on se base sur une œuvre célèbre et grande concernant la description de la prière de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et on a dit de temps en temps, comme d'autres savants ont rédigé dans le domaine, vu la question très importante, de bien pouvoir parfaire notre prière. Et ça, c'est important pour le croyant et la croyante, parce que c'est une adoration qu'on fait quotidiennement, et dont le musulman, dans cette vie d'ici-bas, son souci, comme on l'avait précisé et fait le rappel dans la dernière assise, c'est que nos actions soient acceptées de la part de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, la prière est le deuxième pilier de l'islam. Comme dit le prophète, en somme, dans un hadith, « Bouni al-islamu » على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et donc le prophète a évoqué les cinq piliers de l'islam. Donc si on vous interroge d'où viennent les cinq piliers de l'islam, ils ont été enseignés par notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit qu'on vient de mentionner, c'est le hadith de Abdallah ibn Omar, du célèbre compagnon Abdallah ibn Omar. Et aussi on a le célèbre récit de un autre récit de Abdallah ibn Omar aussi, qui nous rapporte d'après son père le célèbre long hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Et d'ailleurs l'imam Muslim, c'est le premier hadith qu'il a mentionné dans son authentique, le célèbre hadith nommé Hadith ou Jibril. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر إلى آخر الحديث. حتى ذكر في هذا الحديث أن جبريل وهو أتى على هيئة رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فقال أخبرني عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان فقال أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كذا وكذا يعني ذكر أركان الإسلام وسأل جبريل عليه السلام وهو أتى على هيئة رجل فقال له أخبرني عن الإيمان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان وهي ست ثم سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا حديث عظيم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة كذلك في هذا الحديث الطويل المسمى بحديث جبريل. Donc dans ce récit là aussi, le long hadith de Jibril, lorsque Jibril est venu au prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il était en compagnie de ses compagnons et il l'interrogea alors qu'il est venu en apparence d'un homme, il l'interrogea au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, au sujet de l'ihsan. Et le prophète, Lors de sa réponse concernant la foi, oh pardon, l'islam, il évoqua les cinq piliers de l'islam. Et donc le premier pilier, shahada, le fait d'attester de l'unicité d'Allah, de témoigner que Allah est seul et unique, digne d'adoration, et que Mohammed est le messager d'Allah. Après shahada, il y a la prière. Et comme on avait évoqué cela, le prophète, même avant de mourir, des instants avant de mourir, il disait « As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum » La prière, la prière. Et c'est pour ça que la prière, comme il est dit, « Umoud ad-din » c'est vraiment le pilier de notre religion. Et si cette prière, le croyant la préserve, le prophète dans un hadith, il nous dit, elle sera le jour de la rétribution, « Nouran wa burhanan wa najah yom al-qiyama » Elle sera le jour de la résurrection, une lumière, un argument et un sauvetage, une traduction relative. Donc la prière, c'est comme on l'avait fait allusion à cela, c'est la première chose dans laquelle on sera interrogé le jour de la rétribution. C'est une adoration qui est immense. Sa valeur est tellement grande, on avait fait le rappel au début de l'étude de ce livre, qu'elle a été prescrite et ordonnée par le Créateur au-dessus des sept cieux, dans l'endroit le plus élevé. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre eux, le messager d'Allah et Allah Azza wa Jal. Allah l'a prescrite et l'a ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement sans que Jibril soit intermédiaire. Et ça, ça fait partie de la distinction, de ce qui distingue cette adoration qui est la prière, as-salah, par rapport à d'autres adorations. Donc elle est tellement grande, qu'on avait évoqué dans l'assise d'hier et l'avant-dernière, qu'un jour, des jeunes gens avaient rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَامُوا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَقَامُوا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam عَشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَى Ils sont restés, ces jeunes gens, une vingtaine de jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَتَعَلَّمُوا عِنْدَهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّاسِ فِي زَمَنِ وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا وأقاموا عنده فكانوا يتعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كان يعلم الكبار والصغار والشباب وهكذا كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم الناس وتوجيه الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بتوجيه وتعليم الناس فكان يعلم الشباب وكان يعلم الكبار وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هذا من عادته ومن سنته أنه كان يعلم أصحابه سواء كان مسافرا أو حاضرا Et donc ça, ça fait partie des habitudes du prophète que le prophète, qu'il était dans une situation de résidence ou bien en voyage, le prophète enseignait aux gens. Il enseignait aux petits, il enseignait aux grands, il enseignait aux plus âgés, il enseignait à ses compagnons, et les gens lui rendaient visite. Et le prophète, toujours, il prodiguait le bon conseil, il conseillait, et il instruisait, comme cela était notre noble prophète. Et donc ces jeunes gens sont restés une vingtaine de jours, on avait dit, avec le prophète, jusqu'à ce que le messager d'Allah a senti quelque chose. Vous vous rappelez, on a dit que le messager d'Allah a senti que ces jeunes gens, leurs proches leur manquaient. Leurs proches leur manquaient comme il est mentionné dans cette version-là. Alors, le prophète, sallam, les exhortait de revenir vers leurs proches et les leurs. Par contre, il leur a fait une exhortation. Et parmi ces exhortations qu'il leur fit, il leur dit de revenir vers leurs proches et de leur enseigner. Parmi cette exhortation, « وَصَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي » et priez comme vous m'avez vu prier. Voilà, ça c'était un rappel, une révision de ce qu'on a appris dans la dernière assise. Et on va continuer aujourd'hui. Et ça c'est vraiment un rappel vu l'importance, pour vraiment qu'on soit sensibilisé sur l'importance d'apprendre comment prier. Et on va apprendre beaucoup de règles et beaucoup de choses de la sunna du prophète sallam concernant la prière. Et imaginez-vous cette immense adoration. D'être assis, de passer du temps fi bayt min buyutillah, dans une demeure parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est assis à écouter des hadiths du prophète, ensemble avec l'explication de nobles et grands savants contemporains. Pourquoi ? pour apprendre la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour que celle-ci ensuite soit léguée de génération en génération. C'est-à-dire que notre génération, nous avons appris et nous apprenons de la génération de ceux qui nous ont précédés, et inshallah, les générations qui arrivent apprendront de nous, inshallah, et hériteront, inshallah, par la grâce d'Allah, de nous, kayfiyat as-salah, comment prier. Et c'est ça qui fait la grandeur de cette communauté, des musulmans et des musulmanes, c'est que le moindre détail qui nous est rapporté de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est très important pour nous. En l'occurrence, là, on parle de la prière. Donc, vous allez voir des détails vraiment subtils. Vous allez voir comment les compagnons nous les ont rapportés et les ont préservés et enseignés. Vous allez voir des détails subtils de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné, par exemple, dans les cours précédents, le comment, déjà, de lever les mains. Les doigts serrés, les mains droites en direction de la Qibla, à hauteur des épaules, voire des oreilles. Et ce qu'on dit, on avait dit avant, après, pendant le Takbir. Vous avez vu, ces détails-là nous sont rapportés du prophète par des voix authentiques. Et on va essayer d'apprendre justement des détails concernant la prière du prophète. Dans les dernières assises, je voulais vous faire part d'une faïda, d'un enseignement très bénéfique concernant la déduction. Concernant la déduction, comment on déduit à travers les récits spécifiques où nous sont mentionnés des actes ou des paroles du prophète Sam concernant la description de sa prière. Concernant sa prière. Comment les savants ont déduit les jugements religieux concernant ses actes ou ses paroles, c'est-à-dire concernant soit l'obligation ou la recommandation de ses actes. Et donc, je vous réfère, pour ceux qui veulent continuer, on va continuer sur notre lecture du livre de Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, mais ceux qui veulent continuer sur ces différentes règles de déduction qu'a mentionné Cheikh al-Imam al-Albani fi kitabihi Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On avait évoqué quelques points, mais l'auteur, lui, a évoqué différents points. Pour ceux qui veulent se spécialiser dans cela, ces points-là, vous pouvez vous référer, donc dans la version du livre arabe, vous vous référez à partir de la page 110. À partir de la page 110. Nous, on va revenir au livre de Cheikh Al-Uthaymin. Mais je vous réfère quand même pour cette faïda qui est très bien, qui est très pertinente pour ceux qui veulent y revenir, pour les arabophones. Même pour les francophones, ça a été traduit. Mais pour les arabophones, c'est bien expliqué. L'auteur, lui, dans la page, à partir de la page 110 de Sifat Salah, la description de la prière, il explique comment comprendre le hadith du prophète, le récit sallu kama ra'aytumuni ou salli, priez comme vous m'avez vu prier. Comment le comprendre? Comment comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il dit dans la réponse, on peut comprendre cela à travers l'étude de différents points qu'il va mentionner. En l'occurrence, il va mentionner, si je ne me trompe pas, 7 points. 7 points qui seront détaillés, et c'est vraiment très pertinent. Pour ça, celui ensuite qui s'approfondit dans la recherche des textes et dans la compréhension des textes, il va immensément profiter de ces indications qu'il y a. De ces indications qu'il y a. Ça, c'est très important. Donc moi, je vous ai fait part dans les deux dernières assises. Je voulais vous faire partager cela. J'ai lu les deux premiers points. Sinon, il y a 7 points. Mais nous, on va reprendre notre étude à travers le livre de Cheikh Al-Uthaymin, Inch'Allah. Et parfois, on pourra évoquer certaines fawaïd qu'il y a dans d'autres livres de grands savants concernant la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Imaginez-vous le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, les serviteurs seront debout, réunis, rassemblés, attendant leur jugement. Et là, ceux qui, par exemple, dans cette vie d'ici-bas, se sont efforcés à œuvrer pour apprendre la tradition du prophète, se sont efforcés à prier leur prière, à apprendre comment prier cette prière, se sont efforcés à pratiquer la religion comme le prophète leur a enseigné, Imaginez-vous la réjouissance de ces gens. La réjouissance de ces gens. À savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas la récompense. Allah a promis la récompense pour ceux qui œuvraient. Donc chaque bonne action que vous faites, Allah azza wa jal ne l'oublie pas. Cette assise-là, le temps va passer, vous allez l'oublier. Que ce soit, on s'est assis entre Salat al-Maghrib wa l'Isha et on a évoqué certains hadiths et on a parlé de la prière du prophète. Le temps passe, pour ceux à qui Allah va accorder encore une longue vie, et on va oublier. C'est Nanset Ta'ab. Wahadil Jalasat Nanseha. Mais elles sont notées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont notées dans les registres. C'est pour ça que c'est des moments immenses de notre vie qu'il ne faut pas négliger. Al-Muhim Nouassil. Donc nous, on avait commencé le début de la prière. On avait dit, lorsqu'on fait la prière, après s'être purifié, ce qu'on appelle At-Tahara, et après, vérifier trois choses, la pureté de trois choses. Il faut toujours faire attention à la pureté du corps, parce qu'il faut la pureté de trois choses pour accomplir la prière. Ce qu'on appelle taharatul badan, wa taharatul thawb, wa taharatul makan. La pureté du corps, la pureté du vêtement et la pureté du lieu. Donc lorsqu'on prie, il faut la pureté de trois choses. Il faut que notre corps soit pur pour la prière, il faut la pureté du vêtement et il faut la pureté du lieu dans lequel on va prier. Par exemple, si on prie sur de la moquette, il faut que celle-ci, l'endroit où on va se prosterner, où on va prier, il faut qu'il soit pur et propre. Si on prie sur un tapis, il faut que celui-ci soit pur et propre. Par contre, c'est pas une condition de prier sur un tapis ou sur de la moquette. Si par exemple une personne, son sol dans sa demeure est fait de carrelage, ou de lino ou d'une autre matière, il n'est pas obligatoire de prier sur un tapis. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Jalallahu, toute la terre Allah, il l'a mis comme masjida. Il l'a mis comme lieu pur pour la prière. Donc, chez soi, on peut prier sur le sol, même s'il n'y a pas de moquette, même s'il n'y a pas de tapis, à condition que celui-ci, le sol, makan sujud, ou makan salah, il soit propre. Condition que celui soit pur et propre. Comme le vêtement, il faut qu'il soit pur et propre. Et le corps. Ensuite donc, lorsqu'on s'oriente pour faire l'as-sala, on se dirige vers al-qibla, vers la qibla. On a dit que l'istiqbal al-qibla fait partie min shurut al-sala. An yastaqbil al-mu'min jihat al-qibla fi salatihi. On doit trouver jihat al-qibla. Et on doit s'orienter de tout notre corps vers al-qibla. Pourquoi ? Parce que hiya qiblatul muslimin, c'est la qibla des musulmans. Et de ce fait, c'est une condition. Shart min shurut as-salah. Celui qui a la possibilité de prier en direction de l'Qibla et qui ne prie pas en direction de l'Qibla, sa prière n'est pas acceptée. Fahiya batila. Pourquoi ? Parce que l'Qibla, shart min shurut as-salah. C'est pour ça que l'auteur, regardez, il débute la description de la prière en faisant un rappel sur cela lorsqu'il dit ويتسوك عند الصلاة ويستقبل القبلة بجميع بدني بخشوع وحضور قلب واعتقاد أن الله تعالى يناجي في صلاته في صلاته. Alors يتسوك عند الصلاة. Il fait le rappel que avant de commencer la prière, il est bon de utiliser السواك, de se frotter, brosser les dents, la pureté de la bouche. Pourquoi? Parce qu'avec la bouche, on va réciter كلام الله et on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est un rappel, de manière générale, à la bonne haleine. À la bonne haleine. Et de se préparer, alors il dit, en s'orientant vers Al-Qibla, de tout son corps, et de préparer la présence du cœur. De préparer cette présence du cœur. Cette concentration, Al-Khushur, qu'on doit avoir pendant la prière. Pourquoi ? Parce que là, on va avoir une sorte d'entretien avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc cette prière, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. C'est pour ça que certains savants disent dans une très belle parole, celui qui veut qu'Allah azza wa jal lui parle, alors qu'il lise le Coran. C'est la parole d'Allah. Et celui qui veut parler à Allah azza wa jal, qu'il prie. Fal yusalli. Et Ensuite, l'auteur dit Takbirat al-Ihram. Ensuite, on commence avec Takbiratu al-Ihram. Donc, c'est le Takbir, comme on avait dit. Donc, c'est une brève révision pour beaucoup qui n'étaient pas là. C'est le Takbir du début de la prière. Takbirat al-Ihram. Donc, on commence la prière. Celui-ci est spécifique. Fahuwa rakn min arkan al-salah. C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Alors, à partir du moment que nous disons Allahu Akbar, avec l'intention, il faut un niya, sauf qu'on avait dit Al-Musalli la yatalafaz bin niya. Lam yurwa an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yatalafaz bin niya. Il n'est pas rapporté que le prophète, il prononçait l'intention. Donc on avait dit dans des cours, on ne dit pas avant de salat, avant de prononcer, on ne dit pas nawait salat al-asr, on nawait salat al-isha, ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas cela. La, la natalafaz bi al-niya. Lakin mahal al-niya al-qalb. L'endroit de l'intention, c'est dans le cœur. Donc, cette intention se fait dans le cœur. Ensuite, avant de commencer takbirat al-ihram, il faut faire iqama. Que ce soit en jama'a ou que ce soit dans la prière seule, iqama. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat salah, qad qamat salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Il est recommandé de faire l'adhan doucement. Et il est recommandé plus rapidement pour al-iqama, pour al-iqama. Lorsque salat takun mal jama'a, kun salat al jama'a, les fidèles ne doivent pas se lever tant qu'ils n'ont pas vu al imam. Tant qu'ils n'ont pas vu al imam, il ne faut pas se lever. On apprend dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les fidèles peuvent se lever à la vue de l'imam. Ou sinon, il est rapporté lorsque al-mu'adhdhin dit qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. عند قد قامت الصلاة, les fidèles peuvent se lever. On voit que dans beaucoup de lieux, ni les fidèles n'ont vu l'imam, ni ils savent s'il y a la présence de l'imam, si l'imam est présent, ni ils ont entendu قَدْ قَامَتُ الصَّلَةِ. Ils sont déjà tous debout. Pourquoi ? Allahu a'lam. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas si l'imam est présent, et on ne l'a pas vu, et on n'a pas entendu al-mu'adhdhin dire قَدْ قَامَتُ الصَّلَةِ, pourquoi les fidèles se lèvent ? Donc, déjà, pour commencer, lorsque la salat al-jama'a se fait en groupe, il faut attendre de voir, d'apercevoir l'imam, ou sinon lorsque le mu'adhdhin il dit qad qamat as-salah. Donc vous restez assis, on reste assis. Si le mu'adhdhin par exemple dit qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, après qu'il fait l'iqama, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tout le monde est assis. Qad qamat as-salah, là les gens peuvent se lever. Qad qamat as-salah. Ou sinon, à la vue, lorsqu'il voit l'imam. Ensuite, on dit Allahu Akbar. Donc, on avait bien spécifié les mains. Comment est-ce qu'on met les mains ? On avait dit, le fait de dire Allahu Akbar, ça c'est un pilier. On avait expliqué hier que si une personne yabda as-salah, wa fi bidayat as-salah, yabda yarfa yadayh. Il lève ses mains et il ne dit pas. On dit, Yachir, il n'a pas fait de takbir. Il dit, non, je l'ai fait en moi. Il n'est pas rentré dans la prière. Il doit le dire. Il doit dire, Allahu Akbar. On avait même parlé dans les assises précédentes, la manière de dire, Allahu Akbar. Il ne faut pas dire, Allahu Akbar. On a changé le sens. Akbaru, c'est le superlatif. Akbar, le plus grand. Lorsqu'on dit Akbar, on met un alif, un mad, une prolongation dans le ba, Akbar, dans certains sens, c'est un instrument de musique. Akbar, c'est faux. Certains disent Allahu Akbar. Allah, même dans l'adhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est faux. Il n'y a pas de med. Il n'y a pas de prolongation au niveau du ba. On n'écrit pas Akbar. On écrit Akbar. Allahu Akbar. On avait bien stipulé cela dans les assises précédentes. Et le premier alif aussi, on ne met pas de temps, on ne met pas de prolongation. On ne dit pas dans l'offre al-Jalala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que là, c'est comme si en arabe, il y a une interrogation. En arabe, dans le sens, c'est comme si on interroge. Est-ce que Allah est le plus grand, ça veut dire. Si on fait l'adhan et on dit, on prolonge le dans l'offre al-Jalala, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si on fait comme ça, on prononce. C'est comme si on pose la question en arabe. Est-ce que, en arabe, ça veut dire, est-ce que Allah est le plus grand? Naam, ça veut dire ça. Il sous-entend, il pose la question. Donc, on dit Allahu Akbar. Pas de prolongation dans, à la fin, le ba. Akbar. Non. Allahu Akbar. On commence comme cela, que ce soit dans l'adhan, dans l'iqama, dans le takbir. Donc le premier takbir, on commence. On a dit, on lève les mains en même temps. On peut lever les mains en même temps, on avait dit. Allahu Akbar. Ou bien, on peut dire d'abord Allahu Akbar, ensuite on lève les mains. Ou bien, on peut dire à la fin. On peut lever d'abord les mains en premier, et ensuite dire Allahu Akbar. À la fin, on a dit les trois manières sont rapportées, aussi bien dans le Bukhari que dans l'authentique de l'imam muslim. Les fidèles, lorsqu'on prie en groupe, les fidèles, lorsqu'ils rejoignent l'imam et le jamara et le groupe, lorsqu'ils rentrent dans la prière, évitez de faire le takbir à voix haute. Parce que certains rentrent en retard dans la mosquée, ils rentrent dans les rangs et on entend Allahu Akbar. Ça perturbe. On rentre, celui qui arrive en retard, il fait takbir, Allahu Akbar, normalement. Il fait takbir normalement, sans perturber les fidèles, les prieurs, et sans perturber aussi l'imam. Parce que même l'imam, et surtout l'imam, peut être perturbé par un takbir de derrière. Alors, celui qui rentre dans la prière en retard, Allahu Akbar, normalement. Et une erreur qu'il ne faut pas faire aussi, pour ceux qui prie assis. Pour ceux qui prient assis. Et qui ont la possibilité de faire le takbir debout, il faut faire takbir al-ihram debout. Ensuite, s'ils ne peuvent pas prier debout et faire les inclinaisons et les prosternations, ils n'ont pas la capacité, ils doivent s'asseoir, alors ils s'assoient. Mais au moins le takbir de l'avoir fait debout, s'ils ont la capacité. Ça, c'est pour celui qui a la capacité. Wa qadir ala takbirat al-ihram wa huwa qa'im wa huwa waqif waqifan. De sorte qu'il est debout, il dit Allahu Akbar. Ensuite, s'il ne peut pas continuer, il s'assoit. Si takbirat al-ihram, même il n'a pas la possibilité de le faire debout pour cause de maladie ou d'incapacité, c'est autre chose. Mais s'il peut le faire debout, il se met debout, il dit Allahu Akbar, ensuite il s'assoit. Aussi, pour ceux qui viennent récupérer raka'a, la prière et l'imam, par exemple, est en inclinaison. Ça arrive souvent, on rentre dans la mosquée, Salat al-Jama'a, au Qimat, ils ont commencé, et l'imam fahuwa raka'a. L'imam raka'a. À ce moment-là, si vous voulez récupérer raka'a, à ce moment-là, vous rentrez et vous dites Allahu Akbar debout. De la même manière. Il ne faut pas rentrer, commencer à se baisser, dire Allahu Akbar parce qu'on est précipité. Parce que là, ce n'est pas accepté. Parce que Takbirat al-Ihram, il doit se faire debout. Pourquoi? Parce que la position debout, c'est un pilier. Rakn min arkan as-salah. Et ça, c'est des recommandations des ulama. Donc ça veut dire que celui qui rentre et que l'imam est incliné et dans l'inclinaison, celui qui rentre, il dit comme ça, il fait ça, il rentre dans le rang. Même si l'imam il est incliné, et souvent on a peur qu'il se relève vite, donc on a tendance, on fait ça. Allahu Akbar. Mais là, le takbirat al-ihram, on ne l'a pas fait debout. Salatu batila. Sa prière ne l'a pas commencé. Elle n'est pas bonne. Il faut dire Allahu Akbar debout. Ensuite, il lui reste un deuxième takbir. Le takbir de l'inclinaison. Donc, il a deux manières. Il dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il s'incline avec l'imam. C'est la meilleure manière. Si maintenant, il dit, il rentre Allahu Akbar. Il fait takbir. Allahu Akbar. Et il s'incline, par exemple, sans takbir. C'est valable. Les savants, beaucoup de savants acceptent. Le meilleur, c'est de faire les deux takbir. Le takbir lorsqu'on est debout, mais surtout celui qu'on est, il faut le faire debout. L'imam, même si vous vous dites qu'il va se lever, vous allez louper, vous allez manquer le recours, donc la raka'a, vous faites quand même takbir debout. Ensuite, si vous voulez vous incliner directement sans faire le takbir, ce qu'on appelle takbirat al-intiqal, certains savants le permettent. Ils disent que c'est valable. C'est valable. Sinon, le meilleur, al-akmal, c'est les deux takbir. Allahu Akbar, debout. Allahu Akbar, et on s'incline. Si on arrive à s'incliner avant que l'imam ait enlevé les mains de ses genoux, on a toute la raka'a. Même si on n'a pas récité le Fatiha. Si on arrive à s'incliner avant que l'imam s'est relevé ou avant qu'il commence à se relever, il enlève ses mains de ses genoux, on a un raka'a. Alhamdulillah, elle est inscrite et on peut la compter. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Donc après avoir évoqué Bard al-Masail, قال والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. On avait commencé à évoquer la sagesse. Pourquoi lever les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar? فقال بعض العلماء أولا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال لك قائل لماذا رفعت يديك فقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان Yarfa, parce que le prophète, lui, il levait les mains. Donc, pourquoi est-ce qu'on lève les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar? On a dit, premièrement, par suivi du prophète, le prophète, lui-même, les levait. Il levait ses mains. Deuxièmement, parmi les sagesses, قال العلماء, Isharatun ila ta'zimi al-Rabbi Azza wa Jal. Isharatun ila ta'zim. Ta'zim al-Rabb Jalla wa Ala. عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام نشير إلى تعظيم الله عز وجل. Lorsque vous avez vu, on lève les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar. Premièrement, on le fait par suivi du prophète. Là, on parle des sagesses. Pourquoi levons-nous les mains? On peut se poser cette question, c'est une question qui est légitime. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains? Les grands savants, les grands théologiens musulmans nous disent parmi les raisons qui sont évoquées, premièrement, par suivi du messager d'Allah, parce que le prophète lui-même le faisait dans sa prière. Deuxièmement, ici ça illustre et ça montre, en levant les mains, on montre la grandeur de notre Créateur. C'est un signe qui montre la grandeur de notre Créateur, c'est-à-dire lorsqu'on lève, on appelle ça rafa al-yadayn, lorsqu'on lève les mains, lorsqu'on dit Allahu Akbar. Et donc, قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل. ثالثا أنا بعض العلماء قال رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله جل وعلا حتى تحضر قلبك أو قلبك. certains savants, ils ont dit la sagesse de lever les mains, ils ont dit c'est la raison de celle-ci, Kamakalou, le fait de lever les mains fait allusion à lever le voile qu'il y a entre toi et ton Créateur, entre toi et Allah, afin que tu impliques ton cœur et te remettes en mémoire que tu es debout entre les mains de ton Seigneur, livré à lui. Tu te confies à lui à la façon d'un locuteur à son allocuteur. Et ça, c'est une sagesse aussi parmi les sagesses. Donc là, qu'est-ce qu'on a étudié ? Là, c'était la sagesse, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains dans la prière ? Et l'auteur ici nous mentionne trois choses. Ensuite, l'auteur mentionne certaines erreurs. Certaines erreurs à ne pas faire lorsqu'on lève les mains. Lorsqu'on lève les mains, on avait dit. Donc parmi les erreurs, an yarfa yaday ila thadiyay. Le fait de lever les mains au niveau de la poitrine. On avait dit que ça fait partie des erreurs. Lorsqu'on lève les mains et on dit Allahu Akbar dans la prière, on lève pas au niveau de la poitrine. Ça, c'est pas rapporté du prophète. On a dit c'est à hauteur des épaules, voire du bas des oreilles ou le haut des oreilles. Le haut des oreilles, c'est ça qui est rapporté. Sauf que parmi les erreurs aussi, le fait de rentrer l'index dans les oreilles. De rentrer l'index dans les oreilles, de dire Allahu Akbar. Hada khata. Lam yurwa anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien toucher l'oreille. Ça, beaucoup le font. Min aina hada. Le fait de commencer à dire Allahu Akbar, toucher comme ça l'oreille. D'où ils ont pris ça, Wallahu a'lam. Les savants disent que ce n'est pas authentifié du messager d'Allah. Il a rapporté que le prophète, lorsqu'il commençait la prière, levait les mains, c'est à hauteur des épaules ou bien des oreilles. Il ne nous est pas rapporté, on n'a pas de récit remontant au prophète authentique, de récit authentique, qui disent que lorsqu'on fait tekbir, on met les mains dans les oreilles. Ils font un récit. En tout cas, parmi les recherches de grands savants spécialistes dans le domaine, ils disent qu'il n'y a pas de récit, que ça fait partie des erreurs. قال أن يمس الأذنين عند رفع اليدين وهذا غير صحيح وليس له أصل. Et l'auteur du livre, il dit que le fait de toucher ses oreilles, que ce soit avec les pouces, les index ou autre, le fait de toucher la أصل له, il n'y a pas d'origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne pose la question, dit oui, mais même si c'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je peux quand même faire la prière et puis toucher mes oreilles. Où est le mal? Si je veux commencer la prière et je veux toucher mes oreilles. On dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et celui, par exemple, qui en fait une habitude, tout le temps, il touche ses oreilles. C'est-à-dire que pour lui, il le fait et ça fait partie de la tradition du prophète. Or, ça serait mentir sur le prophète puisque le prophète ne faisait pas ça. Il ne nous est pas rapporté cela. Donc, « Alladhi yamas al-udhunayn inda takbirat al-ihram falyuraja al-ahadith » Il faut qu'il cherche. Si ensuite... vous trouvez, et on trouve un hadith du prophète, et s'il est authentifié, qu'il est rapporté que le prophète le faisait, alors on le fait. Sinon, ce qui nous est rapporté de voix authentique, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'authentique de l'imam Muslim, c'est que le prophète kana yarfa au niveau des épaules et au niveau des oreilles. Mais c'est pas rapporté qu'il est touché. Ensuite, une fois qu'on lève les mains, on dit Allahu Akbar. Donc comme je vous l'ai dit, on remercie notre Créateur, on va essayer d'apprendre la prière avec les moindres détails. Vous allez voir dans le livre, l'auteur va nous enseigner la prière dans les moindres détails. Et vous allez voir que à l'époque, les compagnons du prophète Sam nous ont rapporté, ils ont répertorié les moindres détails de la prophète, de la prière du messager d'Allah, jusqu'à ce que, regardez, près de 15 siècles après, on peut apprendre à prier comme le prophète lui-même priait. Mumkin fi hada zaman wa lillahi alhamd wa hada bihamdillahi azza wa jalla mumkin nata'allam salat ar-rasul sallam kama kana huwa yusalliha wa hada fadlun 'azim fi hada zaman wa fi hada al-makan an al-insan yastati' wa yaqdir an yusalli salatahu 'ala hay'ati salati ar-rasul sallam fa hada min ni'amillahi azza wa jalla. Qu'on puisse apprendre les moindres détails de la prière du prophète, c'est quelque chose vraiment de cher pour le croyant et pour toutes les croyantes, de savoir qu'on prie comme le prophète priait. Et c'est ça le bienfait du savoir. Le savoir est une lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, chaque geste qu'on fait, chaque parole que l'on dit, on la comprend et on sait pourquoi on le fait et on sait pourquoi on le dit. Il y a beaucoup de gens, si tu lui dis... Pourquoi tu fais takbirat al-ihram, tu lèves les mains comme cela dans ta prière? Il sait pas. Après, alhamdoulilah, tant que c'est quelque chose qui est rapporté, il le fait. Alhamdoulilah. Mais si on connaît les sens, les sagesses, c'est encore meilleur pour bien être concentré dans sa prière. Pourquoi on lève les mains? On vient d'évoquer. Une fois qu'on a dit, dans la prière, on commence. Allahu Akbar. À savoir que ce qu'on apprend, ce qui est valable pour les hommes, est valable pour les femmes aussi. Est valable pour les femmes. Tant qu'on n'a pas des récits qui spécifient certains actes et certaines paroles par rapport à l'homme et la femme. Sinon, c'est les mêmes gestes. Alors, lorsqu'on dit Allahu Akbar, ensuite, il nous reste Wada al-Yadayn. أنت إذا دخلت في الصلاة والإمام صلى الفاتحة نعم الجهرية وسرية سر لكن الصلاة المغرب والعشاء وصلاة الظهر والعصر ما كل طيب إذا كانت هذا سؤال ممتاز سؤال طيب إذا كانت الصلاة صلاة سرية سرية فإذا دخل المصلي إذا دخل في الصلاة فهو لا يدري الإنسان المصلي أين الإمام هل هو قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة المهم المصلي إذا دخل في الصلاة وأدرك الإمام فهو يصلي الفاتحة على كل حال وفي الج أي نعم نعم نعم أحسنت شوف لازم نميز بين الصلاة السرية وصلاة الجاهلية السرية لا شك ولا ريب أن المصلي يقرأ الفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يقرأها في السرية هناك مسألة في الصلاة الجاهلية الصلاة الجاهلية فالإمام إذا دخل المصلي والإمام يقرأ سورة الفاتحة أو يقرأ سورة أخرى بعد قراءة سورة الفاتحة هل يجب على المصلي المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا قول عند العلماء من العلماء من قال يجب على المأموم أن يصلي أن يقرأ سورة الفاتحة في صلاته بعد قراءة الإمام إذا فرع الإمام من قراءة الفاتحة فهو يقرأ سورة الفاتحة وذكر بعض العلماء أنه لا يجب وقراءة الإمام تكفي وإنما الذي يجب على المصلي أن يتبع وأن يسمع ويستمع إلى وأن ينصت إلى قراءة الإمام إلى قراءة الإمام فحينئذ الذي هو يريد ويود أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجاهلية يود ويريد أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام فله ذلك. وهذا قول كثير من العلماء وهو قول المصنف الذي نقرأ فيه نقرأ هذا الكتاب مصنف هذا الكتاب ذهب إلى هذا القول. Voulez traduction, vous avez la majorité vous avez compris et qu'on continue. Voulez une traduction de la question de du frère, enfin du cheikh, machallah. Vous voulez la traduction ou... la question c'était est-ce que si on rentre et on rejoint l'imam et l'imam il récite le Fatiha. Il a récité le Fatiha et là il est passé à la lecture d'une autre sourate. Il est passé à la lecture d'une autre sourate. Est-ce que celui qui est rentré se doit de lire le Fatiha ou non ? Se doit de lire le Fatiha ou non ? Les savants, les grands savants de l'islam, disent que il faut faire la distinction entre deux prières. Lorsque je dis deux prières, deux catégories de prières. La prière qu'on lit à voix basse, comme c'est pour la prière du midi, dans la prière de l'après-midi, à l'asr. Par exemple, c'est à voix basse. Et la prière à voix haute. La prière à voix basse, il n'y a pas de problématique. L'imam et le fidèle derrière, ils lisent Al-Fatiha. Ils lisent Al-Fatiha, puisque c'est une prière à voix basse. Tandis que ce qu'on appelle As-Salat al-Jahriya, c'est la prière à voix haute. Donc là, l'imam va réciter à voix haute. Là, chez les savants, est-ce que celui qui prie derrière, on l'appelle Al-Ma'moum ? C'est celui qui a dit Tabir al-Imam. Celui qui est derrière, le fidèle, est-ce qu'il doit réciter lorsque la prière est à voix haute Fatihat al-Kitab ? Là, il y a deux avis chez les savants. Il y a des savants qui considèrent qu'il faut la réciter. Sauf qu'il ne faut pas la réciter pendant que l'imam récite al-Fatiha. Parce que Qira'at al-Fatiha, Rakn min Arkan al-Salah. C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Tandis que la récitation d'une sourate après, c'est une recommandation. Si une personne récite al-Fatiha dans sa prière, ensuite il dit Allahu Akbar, il n'a pas récité de sourate, sa prière est valable. Par contre, ce qui est recommandé, ce qui rajoute de la lecture du Coran, il rajoute des versets ou il rajoute une sourate. Sinon, s'il s'est contenté de la lecture de al-Fatiha, sa prière est valable. Donc les savants disent, du fait que la lecture de l'Fatiha, c'est un pilier, alors on ne récite pas le Fatiha. Le fidèle ne récite pas le Fatiha pendant que l'imam récite le Fatiha. Mais après, il peut réciter le Fatiha, doucement en lui. Ça, c'est un avis chez les savants. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, par rapport au hadith du prophète, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salata l'imam lam yaqra bi fatihati al-kitab. La salata, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu fatihati al-kitab, salat al-fatiha. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis chez les savants, beaucoup de savants disent là. Non, c'est pas une obligation. Ils disent à ce moment-là, lorsque la prière est à voix haute, alors les fidèles doivent écouter la récitation du Coran. Ils doivent écouter la récitation de l'imam. Donc ils disent que le ma'moum n'a pas à réciter. Et ils disent que qira'at al-imam takfi, elle suffit, que la récitation de l'imam a suffi. Pourquoi je vous évoque cela ? Celui qui a étudié et qui a appris que on n'est pas dans l'obligation dans la prière à voix haute de réciter Fatihat al-Kitab, c'est un avis recensé, c'est un avis qui est dit par de grands savants de l'islam. Laishkala fi hada. Celui qui a appris qu'il faut la réciter, alhamdoulilah. S'il veut la réciter, mimbab al-ihtiyat, et lui est convaincu qu'il faut la réciter, il la récite. Dans tous les cas, les deux avis sont recensés, ces deux grands avis parmi les grands savants de l'islam. Celui qui considère qu'il faut qu'il écoute l'imam, et quand l'imam récite, il faut l'écouter, et il n'a pas à la réciter, sa prière est valable. Même s'il n'a pas récité, Fatihat al-Kitab. Par contre, celui qui considère que c'est une obligation, il faut qu'il la récite, on parle bien de la prière en groupe, avec imam à voix haute. Fahada yaqra Fatihat al-Kitab. Arsent, hada huwa ad-dalil. Arsent, barakallahu fik. طيب نواصل Ensuite alors, une fois qu'on a dit Takbirat al-Ihram, on dit Allahu Akbar. Où est-ce qu'on va mettre les mains? C'est ça maintenant la question. Où est-ce qu'on met les mains? Yaqul al-ulama, ensuite, première chose qu'on va faire, on va poser la paume de la main droite sur la main gauche. Paume de la main droite sur la main gauche. Allahu Akbar. On pose. Ça, c'est rapporté dans les authentiques. Il n'y a aucun doute sur cela. De poser la main droite sur la main gauche, il n'y a aucun doute. C'est rapporté de manière authentique. Sauf qu'ensuite, c'est la question, à quelle hauteur? À quelle hauteur? Le hadith le plus authentique dans la question, c'est de poser les deux mains sur la poitrine. C'est le récit le plus authentique. De poser les deux mains sur la poitrine. Certains savants disent qu'on peut poser les deux mains en dessous le nombril. En dessous le nombril. Et des savants disent en dessous de la poitrine, mais au-dessus du nombril. Ici. Ici. C'est trois choses qui sont rapportées. Mais le plus authentique, les savants, parmi les récits, ce qui est plus authentique dans la question, c'est sur la poitrine. Sur la poitrine. On a un sar vers le nombril qui est rapporté de Ali ibn Abi Talib, du compagnon Ali ibn Abi Talib. C'est pour cela que vous allez voir des ulamas, des savants qui sont d'avis de poser au-dessus du nombril, mais en dessous la poitrine. En dessous la poitrine. Donc celui qui pose ici, la basse. La basse, c'est recensé, c'est dit. Vous pouvez retrouver ça dans de grands livres de jurisprudence concernant la prière. Ce qui est rapporté de le récit dans ce qu'on vient de citer qui est authentique, le plus authentique, certains savants disent, sur la poitrine. La main, on a trois manières. Parmi les manières rapportées. Main droite sur la main gauche. Ou bien la main droite, il va y avoir une partie sur la main gauche et l'extrémité des doigts sur l'avant-bras gauche. Comme ça. Vous avez vu, on a comme ça. Ou une partie là, sur la main gauche, et l'extrémité des doigts sur l'avant-bras droit. Ça aussi, c'est rapporté, comme ça. Donc on a comme ça. On a comme ça. Et on a ce qu'on appelle aussi Al-Qabdu. Al-Qabd, le fait d'attraper. Ça. La troisième manière, le fait d'attraper le poignet. Vous avez vu? Ça, c'est rapporté. Donc soit comme ça, soit on peut avancer comme ça. Comme ça, je ne connais pas de récit. Comme ça, je ne connais pas de récit, de tradition qui nous aura apporté. Je ne connais pas d'avis de savants qui disent de faire comme ça. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد ورسوله. فنكمل الكلام بحول الله في بضع هذه الدقائق إن شاء الله. سائلين الله عز وجل أن يبارك في هذه الدقائق المعدودة, أن يبارك لنا في هذه الدقائق المعدودة. محل وضع اليدين, إما قلنا على الصدر, محل وضع اليدين إما قلنا على الصدر. Donc les mains, on a dit sont les mains sur la poitrine. وهذا, on a dit c'est le plus authentique. أصح الأقوال, le plus authentique. إما, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on en vient, on y arrive inshallah. Taïb. Taïb. نحن جميعا سواء كان المسلمون في هذا الزمان او في قديم الزمان, المرجع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الامام الشافعي, اذا صح الحديث فهو مذهبي. Nous, notre source, c'est le prophète, ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, du prophète, concernant où mettre les mains, est-ce qu'on les met sur la poitrine, au niveau du nombril, en dessous du nombril, ou bien en dessous du nombril, il est rapporté trois choses. Al-Sadr, regardez bien, écoutez bien. Sur la poitrine, c'est rapporté par le grand savant Ibn Khuzayma. Vous avez déjà entendu l'authentique de Ibn Khuzayma. Il rapporte un hadith, wa huwa asahu shay fil bab. Et ça, c'est le hadith le plus authentique du prophète, c'est que le prophète posait sur la poitrine. Wa taht as-surra, en dessous du nombril, c'est rapporté, vous pouvez retrouver le récit dans le Musnad de l'Imam Ahmed. Le Musnad de l'Imam Ahmed et Abu Daoud. Et Abu Daoud, an Ali, c'est rapporté d'après le compagnon, le quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib. Sauf que, wa qala min as-sunnah, sauf qu'il est dit que dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi, wa huwa da'if. Certains savants disent qu'il est faible. Pour ça, ils disent que en dessous du nombril, comme ça, c'est faible. Da'if al-qawl. Mais c'est, il y a quand même un texte. C'est rapporté dans l'authentique, dans le Musnad de l'imam Ahmed et Abu Daoud. Fawqa as-surra, au-dessus maintenant du nombril, mais en dessous la poitrine, c'est rapporté aussi, rawahu Abu Daoud, d'après Ali ibn Abi Talib. C'est rapporté d'après le compagnon Ali ibn Abi Talib aussi. Min fi'lihi wa fi Abu Talut wa qala Abu Daoud yuktabu hadithuhu. Dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui remonte le récit, qui rapporte le récit, il s'appelle Abu Talut. Abu Talut, Abu Daoud, il dit yuktabu hadithuhu. On peut écrire son récit. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit au-dessus du nombril et en dessous de la poitrine, ça va. Mais le plus authentique qui est rapporté dans le bab, c'est là. Donc on peut mettre les mains ici, c'est plus authentique. C'est rapporté dans l'authentique de Ibn Khuzayma. On a un récit qui remonte. En dessous, la poitrine, mais au-dessus du nombril, on a un récit. C'est dans Abu Daoud. Au-dessus du nombril, il y a un récit, c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed, c'est rapporté par Abu Daoud. Mais la chaîne de transmission est faible et c'est rapporté de Ali ibn Abi Talib. C'est ça qu'on a comme texte. Les mains de long du corps, il n'y a pas de hadith. Laysa hunaka hadith. Il n'y a pas de récits du prophète qui sont rapportés. Il n'y a pas de récits du prophète. Ça, c'est rapporté de l'imam Malik. Rahmatullahi alayh. C'est rapporté de l'imam Malik. Certains savants, ils disent qu'il y a des causes. Certains savants, ils disent que l'imam Malik, à un moment donné, l'autorité de l'époque, le gouverneur, lui avait ordonné de faire juge, d'être juge. Et vous savez, comme l'imam Malik, c'est rapporté d'Abu Hanifa et c'est rapporté de grands imams comme Sofiane al-Thawri, il avait refusé. Il ne voulait pas prendre cette responsabilité de faire juge. Alors il est rapporté ensuite qu'il a subi des supplices. Il a été châtié. Il a été frappé. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'il ne pouvait plus ensuite lever ses mains. Ça, c'est une explication. De sorte qu'il priait ensuite comme ça. Et les gens ensuite ont suivi cela. Ils ont pensé que c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, c'est pas la sunna du prophète, même si c'est rapporté de l'imam Malik. Même si l'imam Malik priait comme ça. Man huwa ahaqqu bil ittiba'. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun texte, enfin du moins de ce que rapportent les grands savants, ils ont cherché, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait les mains le long du corps. Les mains du long du corps. C'est pour cela que, pour terminer, on s'efforce, tout aux gens de chercher les textes sur la description de la prière du prophète, de s'appuyer sur ce qui a été dit par de grands savants. Imaginez-vous l'auteur du livre, écoutez bien, de jamais dire une chose nouvelle, une chose dont on ne sait pas ce que de grands théologiens musulmans l'ont dit ou pas. Imaginons par exemple, vous avez vu lorsqu'on fait le masr sur les chaussettes, lorsqu'on fait les ablutions, ensuite on peut mettre des chaussettes pour ceux qui travaillent dans le froid, par exemple la journée c'est dur. Alors vous faites par exemple salat al-fajr, avant la prière du fajr vous allez faire les ablutions. Vous pouvez mettre des chaussettes, comme pour les khuffayn, vous mettez des chaussettes, et ensuite la journée, s'il fait froid et ça vous facilite, vous pouvez faire le masr sur les chaussettes, à condition que vous avez mis les chaussettes pendant que vous étiez mutawaddi, vous avez la purification. Et ensuite, celui qui est résident, il pourra faire le masr sur la chaussette une journée et une nuit. Yom, nahar, walayla. Et cela, à condition que la chaussette dépasse les chevilles. C'est une condition, comme pour le khuffayn, dépasse les chevilles. Là, l'auteur du livre, dans un autre recueil de fatawa, de questions-réponses, il traite la question, si maintenant une personne enlève les chaussettes, mais il est toujours mutawaddi, il a toujours les ablutions, il enlève ses chaussettes, il remet ses chaussettes, après, 10 minutes après ou 15 minutes, un moment après, il remet ses chaussettes, mutawaddi. Est-ce qu'il peut faire le masr? Certains savants voient que lorsque, à partir du moment que la personne elle a fait le masr sur les chaussettes, il enlève les chaussettes, il perd les ablutions. C'est un avis. Beaucoup de savants disent non, il a toujours les ablutions. Mais là, on admet que la personne n'a pas fait de masr encore. Il a fait les ablutions, il est mutawaddi, il a les ablutions, mashallah, il met ses chaussettes. À un moment donné, il les enlève. Ensuite, quelques minutes ou quelques instants après, il remet ses chaussettes. Toujours mutawaddi, il n'y a rien qui s'est produit. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, regardez ce qu'il va dire. Et ça, c'est une éducation. Il dit, pour moi, il peut faire le masr. Pourquoi? Parce que rien s'est passé. Il a remis ses chaussettes. Fawa mutawaddi. Où est le problème? Il dit, il peut refaire le masr. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que je ne connais pas de savants avant moi qui m'ont précédé. Il dit que parmi les grands juristes, parmi les grands savants musulmans des siècles précédents et même contemporains, il ne connaît pas de savants qui l'aient dit. Et chez les savants, les grands savants musulmans, il y a une règle qui dit ne jamais dire une chose dont on n'a pas été précédé par des grands théologiens. C'est une éducation, c'est un comportement à avoir. Ne jamais dire une chose alors qu'on n'a pas été précédé. Pourquoi? Parce que had al-ilm, on sera interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, le shaykh, il dit, donc je ne le dis pas. Parce qu'il dit, ma sabakani ahad. Voilà. Donc on continuera, inshallah, sur la description de la prière du prophète, en vous remerciant d'avoir été patient dans votre écoute. Barakallahu fikum. Wa nasallaha jalla wa ala. At-tawfiq wa sadad. Ya munqalib al-qulub. Thabbit qulubana ala dinik. Allahumma salli wa sallim. Ala nabina Muhammad. Wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa tawbu ilayk. Wa barakallahu fikum.